Hey petit bébé, il faudra se taire. Ouais, même si papa frappe ta mère, ben il faudra s'y faire. Je sais qu'il fait mal même quand il s'en va, mais c'est tout à fait normal car papa a les plus gros bras. Et si monsieur louche sur toi, il faudra se taire pendant et après que monsieur te touchera. Chut, chut, il faudra se taire. C'est dur, ouais, mais il faudra s'y faire. Dodo, l'enfant, dodo, bébé dormira bien vite. Dodo, l'enfant, dodo, bébé dormira. Que maman n'est pas mieux que papa, car maman aime voir d'autres monsieur. Et même si c'est bien fait pour papa, tu n'aimeras pas quand papa la tapera. Elle criera car il se fâchera encore une fois et il te fera ce qu'on lui faisait. Et il te dira que c'est ta faute à toi, que les grands hommes mâles ne pleurent pas, mais qu'ils se battent, enfin battent leurs femmes et surtout leurs enfants, et tu pleureras. Oui, c'est pas grave, et tu oublieras. Tu verras, tu feras de... L'enfant de bébé dormira bien vite. De l'enfant de bébé dormira. Dodo, l'enfant de bébé dormira bien vite. Dodo, l'enfant de bébé dormira. Que quelques fois dormir pour que papa ne se lève pas, même si tu ne seras qu'un peu moins triste quand il disparaîtra. Et encore beaucoup de fois dormir et enfin tu te reposeras, pas tout de suite mais dans longtemps, très longtemps tu dormiras. Enfin tu dormiras. Enfin tu dormiras. Enfin tu dormiras.